بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا في هذه الليلة الدرس الأول في آخر باب من كتاب الطهارة aujourd'hui cette nuit le premier cours dans l'explication du dernier chapitre de Kitab al-Tahara, wa huwa bab al-hayd, c'est le chapitre des menstrues. Zakar al-mu'allif rahimahullah fi hadha al-bab khamsat ahadith muta'alliqa bidam al-hayd wal-istihada. L'auteur a ici dans ce chapitre, il a cité 5 hadiths qui sont liés aux menstrues et aux métroragies. لذا يحسن تعريف الحيض والاستحاضة كما فعله الشيخ أحمد النجمي في شرحه على عمدة الأحكام. Et c'est pour cela qu'il est convenable ici de citer la définition des menstrues, mais aussi la définition des métroragies, comme l'a fait le Cheikh Ahmed al-Najmi dans son explication de Umdat al-Ahkam. قال الدي الحيض هو سيلان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة والاستحاضة هو جريان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات غير معلومة انتهى. Et donc il nous dit les menstrues, c'est la coulée du sang, c'est le fait que le sang coule de la femme depuis un endroit connu, à des moments connus, depuis un endroit défini à un moment connu. Tandis que les métroragies, c'est le fait que le sang coule de la femme à un endroit connu, à un moment qui n'est pas connu. À un moment qui n'est pas connu. Et donc, fin de citation, et donc on voit clairement ici que les métroragies, le temps, les métroragies ne dépendent pas d'un temps précis. Cela peut varier d'une femme à une autre. وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَا. Et en réalité, les métroragies, je rappelle que c'est le fait que une veine dans le corps de la femme, au niveau des parties de la femme, laisse échapper du sang. وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْفُرُوقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالْإِسْتِحَاضَةِ أَنَّ الْحَيْضَ لَوْنُهُ أَسْوَدُ أَوْ أَحْمَرُ فِي الْغَالِبِ. Et certes, les savants, ils ont cité parmi les distinctions et les différences qu'il y a entre le sang des menstrues et le sang des métroragies, c'est que le sang des menstrues, en général, il est d'une couleur noire ou rouge. أَمَّا الْمُسْتَحَاضَةُ فَذَكَرُوا لَهُ أَلْوَانًا أُخْرَى كَالتُّرَابِ مَثَلًا. Tandis que la femme qui a les métroragies, les savants ont cité concernant son sang d'autres couleurs, comme par exemple une couleur un peu qui est de la couleur de la terre. Turabi, donc, une couleur qui est donc de terre. Par exemple, ils ont cité d'autres couleurs aussi. وَذَكَرُوا أَيْضًا أَنَّ دَمَ الْحَيْدِ ثَخِينَ فِي الْغَالِبِ وَأَمَّ دَمَ الْإِسْتِحَاضَةِ فَرَقِيقُ. Ils ont aussi cité que le sang des menstrues, en général, il est épais. Le sang des menstrues, en général, il est épais, contrairement au sang des métroragies qui, lui, il est fin. وَأَيْضًا فَالْغَالِبُ أَنَّ دَمِ الْحَيْدِ لَهُ رَائِحَةً مَعْلُومَةً كَرِيحَةً قَوِيَّةً. Et donc, ils ont aussi cité qu'en général, le sang des menstrues a une odeur connue, une odeur reconnaissable, et qui est détestable. Une odeur qui est détestable. فَهَذَا مِنَ الْفُرُوقِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْعُلَمَا بَيْنَ الدَّمَيْنِ. Et donc cela font partie des, ces éléments font partie des distinctions que les savants ont citées entre les deux sangs, le sang des menstrues et le sang des métrorragies. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَحْكَامُ مُتَغَيِّرَةٌ. Et cela parce que les jugements vont changer. Il y a différents jugements en fonction du sang. Et donc il faut aujourd'hui que la femme soit capable de distinguer entre tel et tel sang. Il faut que la femme soit capable de distinguer car le jugement va changer. نعم فإن دم الحيض يمنع الصلاة. Car le sang des menstrues va interdire la prière. La femme n'a pas le droit de prier quand elle a ses menstrues. أما الاستحاضة فلا. Tandis que les métrorragies, non. دم الحيض يمنع الصيام. Le sang des menstrues interdit le jeûne. Wal istihada, les métrorragies, non. Damul haydi yamna'u al-wat'. Wal istihada, là, le sang des menstrues interdit les rapports conjugaux. Mais le sang des métrorragies, non. Le sang des métrorragies n'interdit pas les rapports conjugaux. Et donc, il convient que la femme soit capable de distinguer entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies. Thumma zakara al-mu'allif rahimahullah al-hadith al-awwal. Et donc l'auteur il cite le premier hadith. An Aisha radiyallahu anha anna Fatimata بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم que donc selon Aïcha رضي الله عنها que Fatima بنت أبي حبيش la fille de أبي حبيش elle a interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم en disant فقالت إني أستحاض فلا أطهر فأدعو الصلاة. Certes je suis touché par des métrorragies et donc je n'ai pas de moment de purification. Je n'ai pas de moment où je suis pur. J'ai tout le temps le sang donc, qui coule. Est-ce que je délaisse la prière ? فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit non. Certes, ceci est une veine. C'est-à-dire donc une veine qui laisse le sang échapper, comme on a dit précédemment. Les métrorragies. ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. Cependant, délaisse la prière durant la période durant laquelle tu avais l'habitude d'avoir tes menstrues. Et donc la femme, elle sait qu'elle a ses menstrues en général de tel moment du mois à tel moment du mois. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit délaisse la prière durant la période durant laquelle tu avais tes menstrues, puis irtasili wa salli, puis lave-toi, fais le rousle et prie une fois que cette période elle est terminée. Wa fi riwaya wa laysa bihaida. Dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce ne sont pas des menstrues. Fa idha aqbalatil haida fatruki salat. Fatruki salat fiha fa idha dhahabat أو فإذا ذهب قدرها فاغسلي فاغسلي عنك الدم ثم صلي. Et donc dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit non, ce ne sont pas des menstrues, mais si les menstrues viennent, délaisse la prière à ce moment-là. Et lorsqu'elles sont parties, lorsque la période des menstrues connues elle est partie, alors à ce moment-là, lave-toi ou du moins lave le sang et prie. اختلف العلماء في طهارة المستحاضة. Les savants, ils ont divergé concernant la purification de la femme touchée de métrorragie. On va commencer par ça, le chapitre, inshallah ta'ala, avant d'arriver au menstrues. فإنه جاء في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم توضئي لكل صلاة. Donc les savants, ils ont divergé concernant la femme touchée de métrorragie parce qu'il a été rapporté dans le recueil de Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à une femme touchée de métrorragie, il lui a dit, et c'est Fatima bint Abi Hubeish, le même hadith qu'on a, mais une autre narration, citée dans le Bukhari, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis fais tes ablutions pour chaque prière. Puis fais tes ablutions pour chaque prière. وجاء في الصحيحين وهو الحديث الثاني الذي ذكره المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. Elle a été citée dans les deux recueils. Le recueil de Bukhari et de Muslim, et c'est le deuxième hadith que l'auteur il cite dans ce chapitre. Selon Aïcha radiallahu anha, que Ummu Habiba, donc là c'est pas Fatima bint Abi Hubeish, là c'est Ummu Habiba qui a été touchée de métrorragie pendant 7 ans. Pendant 7 ans, elle a été touchée par des métrorragies. Elle a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a ordonné de se laver, de faire le roussel. Elle faisait donc le roussel pour chaque prière. Elle faisait donc le roussel. Non. En fait, pendant 7 ans, c'est pas qu'elle a fait le roussel pour chaque prière pendant 7 ans. C'est certains savants, comme Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ils se basent sur ce hadith pour dire que cette femme, elle a délaissé la prière pendant 7 ans. Pendant 7 ans, elle a délaissé la prière parce qu'elle pensait que la prière ne lui était pas obligatoire. Parce qu'elle avait du sang. Puis elle a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et là, elle lui a ordonné de se laver. Et donc, à partir de là, elle a prié. Il se base sur ce hadith pour dire que la personne qui a délaissé la prière pendant un long moment et qu'il est très difficile de rattraper cela, il ne lui est pas obligatoire de rattraper toutes les prières. Parce que le prophète ici, il n'a pas demandé à Ummu Habiba de rattraper les 7 ans de prière. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il se base sur ce hadith. D'autres savants, ils disent non, il est obligatoire de rattraper toutes les prières. 7 ans, 10 ans, tu es obligé de rattraper toutes les prières. Et donc, on revient donc à notre sujet. On voit ici que, à partir de là, les savants, ils ont divergé. Est-ce que la femme touchée par des métrorragies, elle fait ses ablutions pour chaque prière? Ou est-ce qu'elle fait le rousl pour chaque prière? Ikhtalafu. Ala aqwal kathira. Il y a beaucoup d'avis concernant ce sujet. Falkawlu al-awwal, le premier avis, annaha taghtasilu 'inda kulli salat. Li hadith Ummi Habiba. Le premier avis, c'est que la femme, elle fait le rousl pour chaque prière. Elle fait le rousl pour chaque prière. Et la preuve, c'est le hadith de Ummu Habiba qu'on vient de citer. القول الثاني لو دوزيام افي انها تغتسل غسلا واحدا في اليوم لانه جاء عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتغتسلي غسلا واحدا في اليوم. Le deuxième avis, c'est que la femme, elle fait un rousle par jour. La femme qui est touchée par des métrorragies va faire un rousle par jour. Car il a été cité dans le recueil de Dar-Qutni que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alors qu'elle se lave une fois dans la journée. » Qu'elle se lave une fois dans la journée. Le troisième avis, « الْقَوْلُ الثَّالِثِ ثَلَاثَةُ أَرْسَلٍ فِي الْيَوْمِ » Elle se lave trois fois dans la journée. « غُسْلٌ لِلْفَجْرِ » Elle se lave une fois pour la prière du Fajr. وَغُسْلٌ لِلْظُهْرِ وَالْعَصَرِ Et elle se lave une fois pour accomplir Zohar et Asar. Elle rassemble les deux prières. وَغُسْلٌ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَى Et un rousl pour le Maghrib et l'Isha. Elle rassemble aussi les deux prières. كَمَا جَاءَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدْ فِي سُنَنِهِ وَقَدْ صَحَّحَهُ الْإِمَامُ الْأَلْبَانِي Comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le recueil de Sunan Abi Daoud, et le hadith a été jugé authentique par l'imam Al-Albani rahimahullah. Al-Qawlu al-Rabi'a, le quatrième avis. On a bientôt fini, inshallah. Al-Qawlu al-Rabi'a, tatawadda'u li kulli salat, mais lam yakhruj al-waqt. Elle fait ses ablutions pour chaque prière, tant que le temps n'est pas sorti. Mais là, attention, Al-Qawlu al-Rabi'a, muta'alliqun bil-waqt, la bis-salat. Ce quatrième avis, il est lié au temps, pas à la prière. C'est-à-dire que si la femme, elle va rassembler l'ohr et l'asr, elle va faire donc ses ablutions pour le zohr et l'asr. On dit les ablutions, pas le rousl. Elle va faire les ablutions pour le zohr et l'asr. Pas pour... Elle ne fait pas les ablutions pour zohr, puis elle fait ses ablutions pour asr. Non, les ablutions pour une prière. Tant que le temps de la prière n'est pas fini. Si le temps de la prière il est terminé, elle doit refaire ses ablutions. En fait, ces ablutions, elles se terminent avec le temps de la prière. Tayyib. Wa daliluhum hadithun yuzkar fi kutub al-Hanafiyya, kutub al-Ahnaf, al-mustahada tatawadda'u li kulli waqti kulli salat. Donc, ce hadith stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « La femme touchée par des néphroragies fait ses ablutions pour chaque temps de prière. » Fait ses ablutions pour chaque temps de prière. Ce n'est pas pour chaque prière, pour chaque moment de prière. Le moment de laquelle elle est rentrée, elle fait ses ablutions. Le moment de laquelle elle est rentrée, elle fait ses ablutions. Ainsi de suite. « Walakin hadha al-hadith la asla lahu. » Ce hadith n'a pas de fondement, il n'a pas de chaîne de transmission. Il n'a pas de chaîne de transmission. Cependant, il est cité dans les livres des Ahnaf. Ils disent « Rouyé anil Nabi sallallahu alayhi wa sallam ». Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans chaîne de transmission. « Fala yukbel ». Et donc, cela n'est pas accepté. « El korlul khamis ». Le cinquième avis. Et l'avant-dernier qu'on va citer aujourd'hui. « El mustahada ». C'est que la femme qui est touchée par des métroragies, ses ablutions ne vont pas s'annuler à cause du sang. Tant qu'elle ne perd pas ses ablutions pour une autre cause. C'est-à-dire que le fait qu'elle a le sang qui coule ne la fait pas perdre ses ablutions. Tant qu'elle ne perd pas ses ablutions pour une autre cause, elle ne perd pas ses ablutions. Elle est mustahada, elle est touchée par des métroragies, elle a prié le fajr. Après fajr, elle n'a pas perdu ses ablutions. Le moment du zohar est arrivé, elle n'a toujours pas perdu ses ablutions, elle prie zohar. Le moment du asar est arrivé, elle n'a toujours pas perdu ses ablutions, elle prie asar, maghrib, isha, ainsi de suite. Tant qu'elle ne perd pas ses ablutions pour une autre raison que pour le sang. Ça, c'est l'avis du madhhab maliki. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ainsi que l'avis qu'a choisi le Cheikh Ibn al-Uthaymeen. شيخنا عرفات في شرحه على عمدة الأحكام قد رجح هذا القول. Et aussi notre cheikh, le cheikh Arafat, dans son explication de عمدة الأحكام, il a donc opté pour que cet avis est l'avis le plus correct. C'est que la femme qui est atteinte de métroragie ne perd pas ses ablutions tant qu'elle n'a pas perdu les ablutions pour une autre cause. القول السادس, le dernier avis qu'on voit aujourd'hui. أنها تتوضأ عند كل صلاة. Elle fait ses ablutions pour chaque prière. Elle fait ses ablutions pour chaque prière. On n'a pas dit pour chaque temps de prière. C'est-à-dire pour chaque prière. Le moment du zohar, il est arrivé. Elle veut prier zohar, elle fait ses ablutions. Elle veut rassembler entre zohar et asar, elle fait ses ablutions pour zohar, elle finit zohar. Elle fait ses ablutions pour asar et elle prie asar. C'est pas lié au temps, c'est lié à la prière. فلا يجوز لها أن تجمع صلاتين أو فريضتين بوضوء واحد. Et donc il ne lui est pas permis de rassembler deux prières obligatoires avec une seule ablution. واستدلوا برواية البخاري. Et ils se sont appuyés sur l'avis, sur la narration qu'on a citée précédemment du hadith de Fatima, ou le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, quand elle cite l'histoire de Fatima bintu Abi Hubeish, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Thumma tawadda'i likulli salat » Puis, faites tes ablutions pour chaque prière. « Wa zahiru kalam al-Sheikh al-Najmi » رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام أنه يرجح هذا القول. Et ce qui est apparent de la parole de Cheikh Ahmed al-Najmi dans l'explication de عمدة الأحكام, c'est que lui, il voit que cet avis, c'est l'avis le plus juste. وهذا القول هو قول الإمام الشافعي. Et c'est l'avis de l'imam الشافعي رحمه الله. وبهذا القول تحمل أحاديث الغسل على الاستحباب. En prenant cet avis, tous les hadiths durant lesquels on a vu que le prophète il demande à la femme de faire le ghusl, tous ces hadiths sont compris de façon surérogatoire. C'est-à-dire, il était surérogatoire de faire le ghusl trois fois par jour, une fois par jour, comme ça a été cité, pour chaque salat, comme ça a été cité dans d'autres hadiths, que c'est recommandé. Par contre, ce qu'elle doit faire de façon obligatoire, les ablutions pour chaque salat. Les ablutions pour chaque salat. Et « وَلَعَلَّ هَذَا الْقَوْلِ وَاللَّهُ أَعْلَمْ هُوَ الْأَرْجَحِ » Et « وَاللَّهُ أَعْلَمْ » Je penche plus donc, pour cet avis, donc l'avis de l'imam al-Shafi'i, donc appuyé ici donc, par la parole de Cheikh Ahmed al-Najmi dans son explication de « Umdat al-Ahkam ». Et comme je vous ai dit, la preuve, la riwaya claire qui est dans le recueil de Al-Bukhari, rahimahullah. Et pour finir, wa yustafadu min qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam innama dhalika 'irqun an al-istihada marad. Et pour finir donc, on comprend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit certes ceci est une veine, c'est-à-dire une veine qui coule. On comprend de cela que c'est une maladie. فالمرأة إذا توضأت ثم صلت وخرج منها شيء أثناء الصلاة فلا يضرها لأنها في حكم المريضة من أهل الأعذار. Et donc, vu que c'est une maladie, la femme qui est touchée par des métrorragies, qui va faire ses ablutions, ensuite elle va prier. Et pendant la prière, elle a du sang qui coule, cela ne lui fait pas de tort. Cela ne va pas annuler sa prière. Elle continue de prier. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans le jugement de la personne qui est malade, de ceux qui sont excusés, la prière de ceux qui ont des excuses. Et donc, elle prie de cette façon. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Wattakullaha mastata'tum » Et craignez Allah en fonction de vos capacités. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu warda wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On continue demain inshallah. Jazakumullahu khairan.